Aucune idée. Ah oui, de là à là, t'as 12 km. Ah ouais? Ouais, bon, c'est tout le tour. Oui, bon, voilà. Ça va 6 heures, puis à midi, on est rentré. Hein. 12, 5 plus 7, ça fait 19, 5, ouais, c'est bon. 19, 5, plus 1, 5, plus 4, ouais, c'est bon. Ouais, 21, 25, ouais. 28, ouais. 5, 29, moi, si j'ai bien mangé, 29, ça va. 37. Mais si j'ai pas mangé, ça va pas. Ouais, c'est bien. Il faut que j'aille reprendre plus de marche. C'est les grottes de Sars, sûrement, ça. Ouais. Avec les stalactites et les stalagmites. C'est ça le train? Ouais. Il est électrique? Non. Oh, je sais pas. Non, c'est pas ce train-là, si, c'est celui-là. Oh, si, voilà, c'est maillé en ville. Ah, oui, la rue. Électrique, non, non. Je vois les. Ouais, les travaux, alors, il est. Non, mais c'est pas. Ouais, pour les diamants, surtout pas. Je pense qu'il fait ça le train. C'est ça le train, je pense. Ah non, ça c'est la frontière. C'est la frontière. Ça c'est la frontière espagnole. Bah non, le train il fait ça, je pense à toi. Ah oui. C'est ça, parce qu'après tu es sur le routeur là. Il est sur la route. Ah, c'est okay. Ça le train. Ok. Et on est vraiment pas loin de la frontière alors. Ah bah non, on est à côté. D'accord, ok. Ah oui, on est à côté. Ah, et puis la balade à pied, on peut passer à la frontière. Voilà. Et toi, c'est là, ça doit être là, alors qu'ils font qu'on peut vivre dans le machin espagnol des taxis. Ah ouais? Vas-y, t'as vu le D'accord. Pour acheter le jet 27. Les 15 litres de jet 27. Ça ici, je ne sais pas si c'est une zone franche, alors est-ce que c'est français ou espagnol, j'avoue, j'en sais rien. C'est ce qu'on appelle les zones franches, ça. Ouais, ouais. Alors, est-ce qu'on a vendu des fois, je ne sais pas. Bon, allez, on avance. On descend un peu? Ouais, je ne sais pas, ouais. Si on ne va pas plutôt que le village, parce que là, on va se retrouver à marcher. Ouais, ouais. Quand on n'a pas mangé, ouais, on va trouver après. Il n'y a pas de temps pour ça. Ah, bibi.